m'a demandé pour qui ou a fait me souffrir. Moi qui baille tout vie pour posséder. Pas comprendre que m'a toujours vu la pied. Tout patience gagné. Tous les jours m'a demandé pour qui ou a fait me souffrir. Moi qui baille tout vie pour posséder. Pas comprendre que m'a toujours vu la pied. Toute patience gagné. Autant pas briller, tout comment nous passer. Où des timbres de couvrir le paradis. En Michelin, même si ouais que tout le monde, toute patience gagné. Ta bonne chemise. Ta